grande voix du vent, toute une voix confuse, au loin, puis qui grandit, en s'approchant, devient cette voix-ci, cette voix-là, de cet arbre, et cet autre, et continue, et redevient une grande voix confuse, au loin.